Charline. Salut Charline. Vous êtes toujours au top. Ah ouais, ouais. Vous vous rappelez les trois mots d'ordre de l'année? Ah, bah, ah oui, oui, petit 1, oui, oui, du contenu. Petit 2, ouais, du contenu. Non, du, ouais, travail, enfin. Ah, ah bon. Et petit 3. Du travail, ouais. Non, du contenu, ma foi. Oui, ah bah, mais il n'y a pas, ouais, d'ordre. Ah. Les trois mots sont aussi importants les uns que les autres. Ok, ok. Bon, on s'y met. C'est qui l'invité? Voilà, justement, c'est Darvor. C'est qui? C'est Olivier Poivre d'Arvor. Olivier Poivre d'Arvor, l'ancien patron de France Culture, mais il n'a pas été. Bah, si, si, mais enfin bon. C'est pas un problème. Bah, non, on l'avait invité avant, et puis okay, en plus, il vient de publier un roman. Ah, bon, bah, alors ça, ouais, moi, par exemple, la semaine dernière, je suis allée manger avec mon ex. Ah, bah voilà. Ah, bah, voilà, et voilà, ça s'est bien passé? Bah, je l'ai giflé qu'une fois dans la soirée. Ah, mais non, mais il faut jamais aller manger avec son ex. Si on revoit son ex, c'est seulement pour coucher. Ah, bon, mais pourquoi? Ah, mais bien sûr. Parce qu'un sexe, ça parle pas, donc moins de chances de se disputer. Ah, wow, le philosophe. N'importe quoi. Bah, attendez, je vous abandonne deux secondes, j'ai un coup de fil à passer. À une ex. Bah, comment tu sais? Mais qui doit coucher avec Olivier Poivre d'Arvor? Non, mais personne, oh, c'était une métaphore. Mais oui, mais... Bon, on lui parle pas de France Culture, alors. Ah non, non, non, non, jamais parler à un type d'une de ses ex, il n'en parle pas lui-même d'abord. Ok, alors on le laisse venir, alors. C'est ça, d'accord, tu attends, tu laisses venir. Ah, Guillaume, bah ça a été vite. Ah, bah, ouais, elle m'a raccroché au nez, en fait. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Bah, si elle voulait baiser. Ah, mais il est fou. Bah quoi? Il faut lui demander, bah, si elle veut faire l'amour. Ah, ah bah, ouais, bah, évidemment. Waouh, mais attends, mais tu t'y connais vachement en femme, Alex. Mais ouais, peut-être pour ça que j'en ai pas. La France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui éclabousse l'actualité. Et voici les trois informations qu'on nettoiera pour les rendre propres à Nicolas Demorand à 18h. C'est bientôt la quille pour François Rebsamen, le ministre du Travail, commentera ce soir ses derniers chiffres du chômage. On attend qu'un ministre du chômage commente les derniers chiffres du travail, mais enfin. Ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Mais où s'arrêtera l'ubérisation de la société? En tout cas pas au corps, puisque le Uber du sexe débarque en Allemagne. Je cherche un emploi qui me plaise. Sinon, vous avez déjà pensé à vendre votre corps? Non, mais ça va pas. Vous avez une camionnette? Le nombre de papas qui élèvent leurs enfants en solo a plus que doublé en 21 ans. Encore une courbe qu'on n'arrivera pas à inverser. Tu veux de la glace ou non? Tu m'énerves, je te parle plus. Elle est au chocolat, ta préférée. J'en ai rien à cirer, t'es un sale con. Je suis accompagnée d'un drôle d'oiseau qui, lorsqu'il trouve une bonne blague, ne lâche jamais la proie pour l'ombre. Lui, c'est donc un faucon. Alex Vizor. Mais si souvent vrai. Bonjour Charline Vanhoenacker. Aujourd'hui, grosse équipe évidemment, à 17h20, il est de retour. Il nous a promis cette année d'être aussi limpide dans ses chroniques que les eaux turquoises dans lesquelles il a baigné son corps de nymphe en surpoids tout l'été. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, je suis bien content de vous retrouver. Eh ben nous aussi, de quoi vous allez nous parler? Alors là j'ai du mal à résumer, voyons. Ah, je me... Eh ben ça commence. Écoutez, voilà, par contre j'ai envie de donner un petit titre à cette chronique, voilà. Petit atelier de décryptage sonore du monde. Ce sera le titre de l'année. La couille, c'est décryptage, l'analyse du contenu. Nous avons décidé de muscler notre offre de programme. Très très vendeur en tout cas André. À 17h30, Radio France lui a offert un nouveau téléphone pour qu'il puisse continuer à travailler normalement, car la messagerie de son téléphone privé explosait de plaintes de gens ayant trouvé qu'il avait bien mal mis en valeur leurs propos. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis intéressé aujourd'hui au repas de substitution dans les cantines scolaires pour les élèves qui ne mangent pas de porc. J'ai notamment interrogé des gens en colère, les éleveurs. On ne veut plus être le maillon final, en fait, sur lequel la volatilité fait son nid. Voilà, la volatilité, wow, qui fait son nid. Hein. C'est joli, mais on parlera bien de porc, hein, pas de poulet. Hein. Et à 17h40, c'est un retour. De l'extérieur, c'est une femme sérieuse, passionnée de littérature, de cinéma d'auteur et de bel canto. Mais à l'intérieur, c'est une adolescente inconstante, passionnée de blagues potages, de vodka orange et d'exhibitionnisme. C'est pour ces deux facettes qu'on est ravis de la retrouver. Bonjour Juliette Arnaud. Et bonjour. De quoi vous allez nous parler? Du roman d'Olivier Poivre d'Arvor. Ah, ah voilà, et on ne sait pas qui est encore notre invité encore. Je pense qu'on l'a compris en conférence de rédaction. Oui, car chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, oui, auquel on s'accroche souvent désespérément, n'ayant pas de réponse, on les cherche chez vous. Il ressemble référent vachement à Olivier Poivre d'Arvor. Ouais, je ne sais pas si c'est lui. C'est un référent de il la République. Il pourtant, non. C'est vous qui commencez, on peut. Vous êtes né sous René Coty. Vous devenez directeur du Centre culturel français d'Alexandrie en 88, l'année où François Mitterrand inaugure la pyramide du Louvre. Vous créez le Marathon des mots à Toulouse en 2005, au même moment où un média Éclos, qui œuvre aussi beaucoup pour les mots et la concorde dans ce pays, c'est BFM TV. Vous devenez directeur de France Culture en 2010, lorsque Dorothée fait son retour sur scène après 14 ans d'absence, un événement totalement occulté par France Culture. Et donc, vous êtes avec nous. Je suis avec vous, absolument. Oui. Et encore quelques jours, d'ailleurs. Olivier Poivre d'Arvor, on peut le dire. Très bien. Ah bah voilà. C'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Olivier Poivre d'Arvor qui publie L'amour à trois. Alors on est beaucoup plus là. Hein. Chez Grasset, oui. C'est à vous d'en choisir deux. Il va falloir s'organiser. Et il y a notre stagiaire qui est mineur. Vous êtes donc écrivain, diplomate et encore un petit peu directeur de France Culture officiellement jusqu'à... 31 août. Oui, jusqu'au 31 août, 2015. Voilà. Est-ce que vous comptez prendre une grosse décision sur les trois jours qui restent? Ah ben non, parce que là, en plus, il y a une très bonne directrice qui vient d'être nommée, donc Sandrine Trainer, qui travaille avec moi. Donc franchement, je lui laisse le turban. Là. Puis là, maintenant, je vais aux émissions des autres. Voilà. Je descends l'étage en dessous. Une petite nomination de Cyril Hanouna, comme ça, en dernière minute. Ça passera difficilement, c'est une chaîne un peu rebelle. Moi, je mets un peu de pognon. S'il n'y a pas assez pour payer le salaire, je mets le pognon. Un peu rebelle. Donc, en ce moment, vous êtes un petit peu le François Rebsamen de Radio France. En fait, je peux répondre aux vos trois sujets, parce que ministre du chômage, moi, ça m'intéresse, parce que je cherche un emploi, donc jamais. On va en parler. L'ubérisation du sexe, bon, moi, j'ai une technique que je propose là dans mon roman, qui est d'être plutôt plus nombreux que d'habitude. Et enfin, papa solo, je suis totalement papa solo, parce que j'ai adopté une petite fille que j'élève tout seul, donc vraiment. Et c'est pour ça qu'on a choisi le sujet, on s'est dit que vous étiez calé. Vous êtes surpris qu'une émission soit préparée hein, sur France Inter. Oui, avec les moyens que vous avez, normalement, nous, à Culture, on a des moyens considérables, des gens qui préparent, des intellectuels en plus, mais là, non, je ne savais pas que ça tombe mal. Et donc, les trois sujets d'aujourd'hui peuvent se raccrocher donc, à votre ouvrage, L'amour à trois. Juliette Arnaud va le chroniquer tout à l'heure dans cette émission. Elle ne connaissait pas votre bio, votre parcours, et Juliette, vous vous êtes dit, en lisant, alors, la vie et l'œuvre. Oui, où vous êtes? Parce que moi, j'ai... Non, vous êtes... Livre. C'est-à-dire là, je vois bien que vous êtes en face de moi, parce que je suis tatouée, mais pas débile. Non, est-ce que vous êtes, je me suis demandé si vous étiez le narrateur, parce qu'à certains passages, je me suis dit, bon là, c'est pas possible, cet homme, il sait exactement de quoi il parle. Attention, sans qu'elle connaisse votre parcours. Et je connais pas grand-chose de vous. Un petit peu, non, en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui a 50 ans, diplomate, ça me ressemble un tout petit peu. Qui s'appelle Socrates. Léo Socrates, absolument, Socrates, philosophie, et puis football aussi, décide de retourner après un AVC sur les traces d'une histoire qui était forte, qu'il a refoulée, qui était un grand amour qu'il a eu quand il avait 15 ans. En terminale, avec sa prof de philo. Et vous? Et moi, oui, j'ai eu ça. Yeah! Mais je m'étais promis de ne pas le dire, en plus. Mais en même temps... Ça n'a pas été très long. Comme vous avez posé la question. Oui. Mais moi, donc j'avais 15 ans. Donc il a raison, le patron de la maison. Vous dites trop de choses en interview. Moi, je me lâche un peu. Oui, parfois, ça réussit pas toujours. Mais là, oui, mais j'avais 15 ans. Mais c'était, à l'époque, c'était facile d'abord. Dans les années 70, il y a beaucoup de liberté. Donc, et mais j'étais pas le seul. Parce que j'ai une prof de philo qui adorait les garçons. Il y avait deux garçons. Et moi et mon copain. Et donc, et moi, j'ai vécu avec cette prof après, pendant un an. Quand j'ai fait j'étais très bon en philo. D'ailleurs, j'ai eu vraiment la meilleure note. Donc, le point de départ du livre, c'est votre expérience. Le point de départ, c'est une histoire que j'avais complètement occultée, qui un jour m'est revenue, le jour où j'ai su que cette femme était morte en découvrant son avis de décès. Et j'avais complètement occupé cette histoire parce que c'est un peu dérangeant en effet aujourd'hui de dire qu'à 15 ans on a une histoire et on vit avec mais sa prof de philo. C'était les années 70 et d'autres pratiques, oui, d'autres expériences. Libre, hein. Et c'est là d'ailleurs rétrospectivement qu'on voit que l'époque est quand même assez sérieuse. Hein. C'était encore plus condamné hein, parce qu'il fallait avoir 18 ans, 21 ans. La majorité c'était 21 ans à l'époque, c'est passé à 18 ans juste après. Et donc, mais moi j'avais pas le sentiment d'interdit, je faisais de la philo, j'étais gauchiste, j'avais des cheveux longs pour ceux qui ont la vidéo, vous ils le verront, dites, ça a changé. Oui. Et vous votiez Alain Krivine alors, parce que c'est ce que vous écrivez. Oui. Quant à mon candidat, si j'avais pu m'exprimer, ne pas seulement me limiter à fomenter une grève, c'était Alain Krivine et son Front communiste révolutionnaire, tout de même crédité d'un 0,37% des suffrages. J'avais été leader de la grève, en effet, il y avait une réforme. La réforme Abi, alors le slogan c'était Abi au placard, c'était parce que Abi c'était le ministre de l'éducation, c'était pas mal. Hein. J'avais lancé ce slogan et c'était en partie pour plaire à ma prof de philo qui nous enseignait Marx, Freud, la psychanalyse, enfin des tas de choses formidables. Mais vous êtes toujours un peu punk à chien, hein. Vous êtes venu avec votre witty, cela. Oui. Bah, c'est comme je sais pas, c'est une nature, une sorte de rébellion de naissance comme ça. Et donc voilà. C'est mais, un rebelle, ça me plaît. Voilà. On a compris. Mais est-ce que vous croyez pas que le vrai enseignement philosophique passe par. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Par l'échange de fluides. Mais, non, mais imaginez, à 15 ans, vous vous trouvez devant une fille, une femme absolu. Formidable, 25 ans, qui n'a jamais encore enseigné, c'est la première année qu'elle était prof, et qui découvre des garçons bien faits, qui ouais. commencent à exprimer un peu leurs sentiments de manière verticale, et qui, devant de manière turgescente, devant des concepts, sont impressionnés. Non, c'est impressionnant, parce c'est que. C'est formidable. Penser, réfléchir, être intelligent, et en même temps plaire, et puis c'est le moment où ça se passe, et donc on découvre à la fois le sexe, et puis la, je sais pas, l'esprit critique. Donc voilà, c'est et tout ça se passe en Guyane, sur un fleuve, le Maroni. Et c'est comme ça qu'on arrive à France Q. C'est l'amour à trois. Olivier Poivre d'Arvor, c'est paru chez Grasset. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler lors de cette émission où on met le niveau culturel assez haut. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes obligé. Il y a beaucoup d'attentes dans cette émission jusqu'à 18h. Écoutez Minuit Flash, si tu écoutes, j'annule tout. Derita Mitsuko, c'est le groupe Minuit avec Flash. Vous êtes sur France Inter. Et autour de cet tas, par ordre d'apparition, nous aurons André Manoukian, puis nous aurons Guillaume Meurice et enfin, nous aurons Juliette Arnaud. Et autour de cette table, évidemment, notre invité qui, pendant le disque, nous disait avec le niveau de cette émission, vous devriez passer sur Culture. On sent évidemment que vous ne les aimez plus. C'est Olivier Poivre moins d'auditeurs, mais... Donc dans cette deuxième saison de Si tu écoutes, j'annule tout, on a promis de l'interactivité, du 360, du contenu, du travail. Le 360 ouais, c'est des nouveaux... Et on revient ça, c'est des nouveaux termes, hein, décryptage... C'est la taille d'un lit, chez vous. Du 360, c'est ça. De la radio 2.0, visio diffusé, bon bref. Oui, ça a bien changé. Et donc le nouveau concept, c'est le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Les titres de cette édition. François Rebsamen donne une interview avant de quitter son poste au ministère du Travail et il déclare, je cite, « Ce qui est frustrant, c'est que j'allais y arriver. » Et il l'a déclaré, donc rien à ajouter. Culture, Pierce Brosnan affirme qu'il aimerait voir un James Bond gay. On se réjouit du remake de Goldfinger. Et on terminera par... Ça y est, j'ai compris. On terminera par... N'interrompez pas les titres de ce journal, s'il vous plaît, c'est sérieux. On terminera par quelques brèves qui ne servent absolument pas à vous informer, mais qui font terriblement plaisir à Alex Vizorek. On commence donc par François Rebsamen qui, dans une interview donnée au Nouvel Obs, dit « Ce qui est frustrant, c'est que j'allais y arriver. » Et donc, vous ne faites pas de vanne ? Non, Charline, j'allais trouver une excellente vanne, mais je choisis de me retirer. Très bien. Non, mais si tous les mecs qui échouent vous expliquent qu'en fait, ils allaient y arriver, on attend la démission de Royal qui dit « Ouais, j'allais dépolluer Paris », la démission de Fabius qui dit « Ouais, désolé, à 3 jours près, je réglais le conflit israélo-palestinien », et surtout Fleur Pellerin qui aurait dit « Ah, oh, ce qui est frustrant, c'est que j'allais débloquer un gros budget pour Radio France. » Et voilà. Vous voyez que vous aviez une vanne. Oui. Alors, François Rebsamen qui a déclaré il y a quelques semaines au journal régional Le Bien Public. Ah, c'est le journal préféré de Patrick Balkany. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il adore mettre la main sur le bien public. Donc François Rebsamen leur a dit, si c'était le ministre du Travail qui inversait la courbe du chômage, ça se saurait. Ah, donc il a menti au Nouvel Obs. Il aurait dû leur dire, ce qui est frustrant, c'est que quelqu'un allait y arriver. Effectivement, et on passe au cinéma avec ces déclarations oui. de Pierce Brosnan. Effectivement, après Batman et Robin, après Sherlock Holmes et le docteur Watson, Pierce Brosnan aimerait qu'il y ait un James Bond gay. Le problème avec un James Bond gay, c'est que les James Bond girls vont encore plus ressembler à des potiches. Charline, vous allez être contente parce que j'ai mis la main sur le trailer du film. Bah, lequel ? Skyfall. Ah. Il est de retour. My name is Bond. James Bond. Je donne un martini. Oui, je vous mets une petite olive ? Non, dans votre martini, je veux dire. Ah oui, oui, aussi, oui. Il est prêt à tout pour réussir sa mission. Vous êtes très sexy, Bond. On monte ? Allez, s'il faut. Et vous retrouverez les personnages qui ont fait la légende de la série. M, je dois vous laisser. Je commence à avoir l'habitude, 007. Où allez-vous ? Je vais voir Q. J'adore les gadgets de Q. Merci Alex, merci. Alors je vous préviens, c'est vous qui allez répondre au courrier, hein, je vous préviens. Bon, quelques brèves, on commence par un hommage. Oui, hommage à voilà, Claude Cabanne, longtemps rédacteur en chef du journal L'Humanité, il est décédé hier à l'âge de 79 ans. Vous dire que le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, lui, est en belle forme. Et on termine par les États-Unis. Oui, où un adolescent, le plus gros des États-Unis, 290 kilos, avoue s'en être sorti grâce à la musique. Apparemment, il écoutait Evangélie après chaque repas, ce qui lui permettait de régurgiter l'entièreté. Merci, à demain pour d'autres informations à presque 17h17 puisqu'il est 17h25 sur France Inter. Le jour où on tombe pile à 17h17, on fait une fête. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ce jour-là, c'est que ça n'ira pas du tout. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Poivre d'Arvor qui publie « L'amour à trois » chez Grasset. Premier sujet, donc il paraît qu'il y a un lien avec votre livre dans ce sujet, on va en reparler. François Rebsamen traite son dernier gros dossier, commenter les chiffres du chômage, mais pour tenter de nous distraire. Donc il a déclaré « Ce qui est frustrant, c'est que j'allais y arriver. » En attendant, la situation s'enlise quand même. Mon Dieu, où qu'il est l'emploi ? Dites-moi où qu'il est l'emploi ? Même des boulots tout pourris, je sais qu'il n'y en a pas. Ah, sacré emploi ! Dis-moi où es-tu caché ? Ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas signé de contrat. Elle est guignole. Eh oui, un peu de guignol. En clair ici, hein. C'est la voix, mais en clair. Hein, la satire, l'irrévérence n'a pas bonne presse en ce moment, Olivier Poivre d'Arvor. Quand même, si. Non, chez vous, c'est une satire qui est quand même sympa en général. Enfin, les invités en sortent en général indemnes, donc je vais voir un peu plus tard. Oui, vous inquiétez pas. On dira du mal de vous demain. Oui, j'espère. Quel est votre regard sur cette question, François Rebsamen, le ministre du Travail qui démissionne ? Même dans une chronique, on aurait rêvé l'inventer. Mais... Oui, en plus, je pense qu'il ne voulait pas. Je pense qu'il ne... Si on se souvient un peu du scénario, parce qu'il a, donc le maire de Dijon, qui était un de ses proches, est mort. Donc, il a décidé de retourner à Dijon. Il est attaché, hein, Rebsamen, vous le connaissez. c'est un type de la Bourgogne, il est heureux là-bas, etc. Mais je pense qu'il avait dans sa tête l'idée qu'il pouvait essayer de profiter de, des vacances là, pour cumuler. Et donc, il a pensé qu'il resterait au moins quelques mois supplémentaires. Donc, il était assez déçu, parce qu'il a eu un petit coup sur les doigts. Je crois que c'était Valls et Hollande qui lui ont dit ben non, il y a une partir. Charte de déontologie oui, à l'instauration de François donc, Hollande. Donc, il a mis un peu de mauvaise volonté, apparemment. Moi, je regrette, c'était un invité formidable, parce qu'il n'était pas trop langue de bois, en plus. Donc, je ne sais pas qui va venir à la place. Alors, comme maire de Dijon, il pourra toujours s'exprimer avec d'autant plus de Mais c'est bizarre de préférer quitter un gouvernement dans le moment où, ça, où enfin, c'est vrai qu'il faudrait qu'il reste normalement. Moi, je trouve que surtout qu'il allait y arriver, c'est convaincant. Oui, oui, oui. Et alors donc, voilà, donc sachant que le poste est libre, vraiment ceux qui ont n'ont plus d'emploi à partir du 1er septembre peuvent postuler. Donc je suis prêt à répondre à toutes les demandes dans ce domaine-là. Non, mais c'est un sujet grave. C'est vrai que bah oui. C'est vrai que si. En plus, le président de la République a dit si on n'y arrive pas, je ne me représente pas. Ça fera un chômeur de plus. Donc il doit trouver maintenant l'allié qui va sauver son quinquennat, dans le fond. Oui. Alors, finalement. C'est forcément un homme, hein, parce que c'est un homme. Donc, un homme est remplacé par un homme. C'est le système classique, là. Donc, vous voyez, c'est assez ouvert. Mais malheureusement, il y avait ce monsieur Vidalis qui voulait remplacer, mais qui a fait une phrase un peu. Oui, une phrase malheureuse sur Twitter. Un peu malheureuse. Donc, il faut mieux pas trop parler. Est-ce que c'est pas le ministère le plus compliqué, celui de l'emploi, parce qu'il y a des chiffres clairs sur lesquels on est jugé, ce qui est moins le cas dans d'autres ministères. Non, mais c'est un ministère qui mesure les chiffres du chômage, enfin qui les récupère, mais qui dont l'action n'est pas directement suffisante pour infléchir le chômage. Non, ce qui est dramatique, c'est qu'en effet, ce pays va vers, c'est très désespérant, enfin de pas avoir de job. Je pense que ça produit comme ça une sorte de sentiment de grand désespoir. Moi, j'étais en Grèce il y a peu de temps, je vois plein de gens qui ont plus de boulot. Puis alors en France, nous, on a qu'un seul boulot. Dans d'autres pays, en Espagne, au Portugal, les gens ont une manière un peu plus décontracté de travailler au noir, ce qui n'est pas complètement le cas chez nous. Voilà, donc, vous allez faire ça à partir de 1er septembre? Moi, le 1er septembre, non, moi je suis diplomate, donc je retrouve une administration. Mais vous allez retrouver le Quai d'Orsay? Oui, ça, je vais retrouver le Quai d'Orsay. Mais en même temps, j'ai envie. Ils font des speed dating, ça va aller vite, hein, si vous voulez. En ce moment, ils sont. Oui, 5 minutes avec tous les ambassadeurs. Ouais. Hein, j'ai échappé, là, la semaine des ambassadeurs. Hier soir, je vous ai écouté, j'ai vu échapper la semaine des ambassadeurs commentée par vous. J'ai vu deux de mes malheureux collègues qui ont eu la bêtise de vous répondre et qui avaient l'air un peu ridicule. C'est vrai que c'est un sujet dont on a parlé hier et à contrario, ce matin, on s'est dit. Bim, c'est dommage, on aurait dû attendre Olivier Poivre-d'Arvor pour en parler. Alors, demain matin, je vois mon ministre de tutelle, c'est-à-dire mon ministre, mon patron, M. Fabius, qui va me dire ce que je vais faire. Voilà, pas ça. Très bien. Bon, vous nous donnerez de nouvelles. Hein, absolument, je vous appelle. André Manoukian, vous êtes de retour. Mais oui. Vous avez tout l'été pour écrire une chronique qui peut durer des heures. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire une grande chronique qui va durer toute l'année, mais qui va être un petit peu morcelée. Donc, ça s'appelle Petit atelier de décryptage sonore du monde. Pas de saumon, en acronyme. C'est comme ça qu'on dit, un acronyme ? Un acronyme, oui. C'est quoi comme acronyme ? Pas de saumon. Très bien, la prochaine fois, vous nous direz pas de saumon et on gagnera 10 secondes. Poursuivez. Alors, je suis à côté d'un philosophe, s'il vous plaît. De la même manière qu'en questionnant la matière, en la divisant jusqu'à l'infini, les philosophes pré-socratiques sont arrivés à déduire l'existence de l'atome. En questionnant le son, en l'analysant et en le divisant, les physiciens sont arrivés sur une fréquence pure qui ressemble au frottement d'un verre en cristal avec un archet. Mais rares sont les sons purs dans la nature. Même les instruments de musique produisent des sons complexes. Comment ça se passe? Une fréquence donne le ton et d'autres fréquences multiples de la première se croisent, font des ventres et des nœuds, induisent des harmoniques pour enrichir le son de base. Ça y est, je suis paumé. Mais non. Mais lorsque les fréquences ne sont pas des multiples de la fondamentale, leur superposition ne va plus créer des nœuds et des ventres dont l'alignement régulier donne une tonalité, mais un son si complexe qu'on va plus distinguer de notes. Et là, on a affaire à du bruit. C'est un peu la métaphore de notre monde surinformé. La superposition des pensées, des avis, des commentaires ne crée plus un ton, mais un bruit continu qui enfle, repris à l'infini, et ça s'appelle un larsen. Waouh ! Aïe, aïe, aïe, aïe ! Ça, c'est un larsen, c'est-à-dire c'est une boucle de son qui est reprise par elle-même. C'est un petit peu ce qu'on vit tous les jours. Ça, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas la playlist France Inter. Non. Alors, voilà comment on a transformé notre environnement sonore et mental en boucle bruitiste, en larsen noisy. Conséquence, perte de repère, angoisse, confusion mentale, vote Front National. Alors, revenons à l'origine, il y a 100 000 ans en arrière. Le monde de la famille Pierre à Feu est un monde beaucoup plus subtil que nous le pensons, dans lequel le son tient une place fondamentale. Prenons les grottes préhistoriques. J'en ai parlé un petit peu cet été. C'est un formidable terrain de jeu sonore. Qui, enfant, n'a pas joué avec l'écho d'une grotte, Olivier? Hein? Non, avec votre temps, prof moi. De philo. Voilà, c'est ça. Bah, les gens qui ont grandi à la Courneuve, ils n'ont pas fait. Yegor, écoutez, il s'appelle Yegor Reznikov. C'est un philosophe, mathématicien, musicien d'origine russe. Il est passionné par le chant et il est passionné par le volume sonore des édifices sacrés. Dans un premier temps, il observe et analyse l'architecture des églises dans laquelle il chante et qui sonne si bien. Ce n'est pas vous, Guillaume, qui allez me contredire alors que vous passez votre temps à réciter des psaumes à l'envers à Saint-Nicolas du Chardonnay, sataniste que vous êtes. En étudiant le son des grottes préhistoriques, Yegor Reznikov fait cette découverte fondamentale. Il s'aperçoit, je ne sais pas si vous saviez Olivier, que les peintures pariétales sont concentrées dans les endroits où le son est le plus fort, où l'écho est le plus fort. Les hommes du Paléolithique ont choisi l'emplacement de leurs peintures parce que ces emplacements sonnaient bien. On peut en déduire qu'ils chantaient en direction des représentations animales. De même, ils se guidaient grâce au son dans les grottes. Avoir une écoute fine était une question de survie. Dans le dédale des tunnels, Reznikov a découvert des traits rouges presque à chaque point fort de résonance, comme des marques acoustiques placées dans des niches dont la résonance est telle qu'une simple vibration sonore se transforme en beuglement de roc ou en hennissement. L'environnement sonore des cavernes était plus qu'harmonieux. Alors écoutez ça. Et devinez quel est l'instrument qui joue, cet instrument-là. La scie. Non, c'est pas une scie. Harpe. C'est non, pas une harpe. C'est un instrument à vent ou à cordes? C'est un instrument à percussion. À percussion, cordes frappées. Mais c'est pas des cordes. Ce ah, sont, c'est des bols, là. Ce sont des stalactites. Ah. C'est des stalactites de la grotte de Luret. C'est une grotte attendez, aux États-Unis. Attendez, les stalactites, c'est ceux d'en haut. C'est et les stalagmites, ceux d'en bas. Exactement. Et quand une stalactite rencontre une stalagmite, on appelle ça une Roméo et Juliette. Mais ça, c'est vrai. Bref, la grotte de Luret est une des plus visitées du monde à cause de ces stalactites incroyables. Grâce, on peut même dire. Grâce. L'inventeur de cet instrument s'appelle Leland Sprinkle. Il va construire en 1956 un orgue dont le principe est un clavier relié à des marteaux de caoutchouc qui tapent sur les stalactites. Maintenant, on va changer de registre. Écoutez cette musique. Anxiogène, le 20h de TF1. Voilà, c'est le générique. Du TF1. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Écoutez cette musique. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre. Les dents de la mer. Exactement. Écoutez. Donc bien fait pour nous faire flipper. Quoi. Voilà, carrément, c'est pratiquement une décalque. Et oui, nous subissons des pouvoirs en place, des manipulations sonores insidieuses qui nous maintiennent dans des états de dépendance, dans une angoisse permanente qui va nous rendre accros et influençables. Maintenant, dans vous êtes en train d'essayer de nous dire que le frère de monsieur a oui. essayé de nous influencer pendant de nombreuses c'est ça, années. C'était pas le responsable, c'était pas lui qui a choisi cette 25 musique. 25 ans. Maintenant, c'est lui, au moins, il y a assez longtemps, lui. Et au contraire, il avait... Sauf qu'il arrivait derrière avec une voix tellement rassurante. Et vous avez... Maintenant, dans un tout autre registre, écoutez ça et devinez. Qu'est-ce que c'est que ce son? La roue de la fortune? Un truc non. de lépreux, là. Vas-y, recommence, Benjamin. C'est le bruit du ressort dans un flingue, non, mais ralenti. Non. C'est on organique. Est toujours dans une grotte? C'est organique. Non, on est sous l'eau. Ah, c'est un dauphin. Non, c'est pas un dauphin. Un coquillage qu'on gratte. Non, c'est pas. Un coquillage qu'on gratterait. Mais non. Allez-y, André. C'est le pet d'un hareng. Le pet d'un hareng. Et oui, les harengs pètent. Que le hareng sorte. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'alors ils ne pètent ni d'angoisse. En fait, ils pètent pour communiquer. Et est-ce qu'on... qui pète d'angoisse? Mais la peau de Nero aussi. Il y a des animaux qui peuvent péter d'angoisse. Alors, plus tout ce qu'on sait, c'est que plus ils sont nombreux et plus ils pètent. Est-ce la joie de se retrouver en groupe? Un rôle de médiation sociale apparaît probable, nous disent les chercheurs. Un plan de départ volontaire. Et voilà. Alors, et où point pour Olivier Poivre. Où retrouve-t-on le son du hareng qui pète? France Inter. Mais non. Mais non. Mais si, vas-y, repasse, Benjamin. France Inter. Voilà. Ah, on est même. On vous en parle. Et ben ça, c'est tout l'esprit ça, France c'est... Inter dans la cacophonie angoissante. C'est Laurence Bloch qui vient. Non, Philippe Val. Dans la cacophonie angoissante, dans le Larsen bruitiste mondial, dans le tohu-bohu, la seule radio qui répand ses good vibes sur le monde en pétant de joie, et ben c'est France Inter. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word. I'm the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Good vibrations. Pourquoi les Beach Boys? Parce que Good Vibrations, voilà, évidemment, pour conclure la chronique d'André Manoukian. Merci André, quel plaisir de vous retrouver sur France Inter. Plaisir de parler. C'est pas comme si on vous avait pas entendu cet été. C'est le même. C'est le même André Manoukian. Nous sommes en compagnie d'Olivier Poivre d'Arvor. L'amour à trois, c'est le roman que vous publiez chez Grasset. Juliette Arnaud va nous en parler dans quelques instants. Car maintenant, c'est le moment du reportage du comique d'investigation. C'est Guillaume Meurice. Attention, accrochez. Oui, l'heure est grave. Il s'est passé une chose incroyable il y a quelques jours. Ça vous a peut-être échappé, mais un député de droite a fait une bonne proposition de loi. Et si vous saviez combien ça me coûte de dire ça. Alors calmons-nous, hein, quand je dis de droite, c'est pas Brice Hortefeux ni Pinochet. Hein, non, il s'agit d'Yves Jégot. Ah, donc c'est un membre de l'UDI, la fameuse droite très complexée. N'empêche qu'Yves Jégot, il a eu une idée. Et ça, déjà en soi, bah, c'est déjà une sacrée information. Alors, quelle est cette idée? Eh bien, pour clore le débat sur les menus de substitution pour les enfants qui ne veulent pas manger de porc à la cantine, il a proposé des repas végétariens. C'est pas con, hein? Bravo Yves, tu vois, quand tu veux, c'est bien mon gamin. Sauf que bon, ça plaît pas à tout le monde, notamment aux éleveurs de porc, évidemment, qui sont en pleine crise. J'ai appelé un représentant de la FNSEA en Bretagne. Est-ce que lui, il mange souvent du porc? Bah évidemment, je suis producteur en plus. Combien de fois par semaine? Oh, tous les jours. Tous les jours? Évidemment, il faut pas en abuser. Et il y a l'équilibre nutritionnel qu'il faut respecter, mais ça, c'est... Ça paraît évident aussi. Hein. Alors attendez, vous en mangez une fois par jour et vous me dites qu'il ne faut pas en abuser? Bah, c'est pas en abuser que d'en manger une fois par jour. Non, une fois par jour, c'est pas du tout en abuser. Sauf que bon, si tout le monde mangeait comme Thierry, évidemment, il faudrait 8 planètes Terre, hein, dont une intégralement remplie de cochons et une autre intégralement remplie de lisiers. Hein, une planète à l'image de l'intérieur du cerveau d'un animateur d'énergie 12. Plaisante. Plaisante bien sûr, parce qu'un animateur d'énergie 12 avec un cerveau, c'est absurde. Mais revenons à nos cochons et donc aux cantines. C'est le domaine d'autorité des maires des différentes communes. Par exemple, Pierre-Jean Rochette, il est maire d'un petit village, Bohain-sur-Lignon dans la Loire. Qu'est-ce qu'il pense de cette proposition de menu végétarien? Mais un menu végétarien, bon, moi personnellement, quand j'étais à l'école, bon, forcément, vous me connaissez pas, donc vous voyez pas ma corpulence, mais un menu végétarien, je vais vous dire que déjà que j'étais pas bien bon à l'école, alors là, ça m'aurait complètement achevé. Hein. Oui, alors merci d'avoir filé un peu de gras de jambon à Pierre-Jean pendant sa scolarité, hein, sinon il aurait jamais eu son BEPC, le pauvre. C'est d'ailleurs une bonne excuse pour les élèves qui nous écoutent, hein, si vous avez des mauvaises notes en maths, n'hésitez pas à dire, bah ouais, mais il y a pas de rillettes à la cantine, hein, comment voulez-vous que j'y arrive, moi, ça devrait marcher. Enfin bon, ça marche à Bohain-sur-Lignon. Autre argument pertinent avec Jean-Pierre Fell, maire d'une autre petite commune, Thiézac, dans le Cantal. On va aboutir à une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne mangeront pas. Moi, je le vois de manière quotidienne au niveau de la cantine. Et on ne propose pas à certains enfants autre chose que des épinards, par exemple. Eh bien, ils vont repartir le ventre vide. Vous ne voulez pas avoir d'enfants morts de faim sur la conscience? En quelque sorte, c'est ça. Ben oui, on sent déjà planer la menace de la mort de centaines de milliers d'enfants privés de pâté en croûte et de jarret sauce gribiche. La France a peur, Jean-Pierre. Alors, ça, c'était pour les maires qui refusent de mettre en place des menus de substitution. Il y en a qui accepte, mais pas franchement de gaieté de cœur. C'est le cas de Marc-Étienne Lansade, c'est le maire Front National de Cogolin. j'ai accepté le menu de substitution, mais j'ai imposé le poisson le vendredi. Et d'un côté, je fais un geste envers la communauté musulmane, et d'autre côté, eh bien, nos racines chrétiennes sont respectées en imposant le poisson le vendredi. Voilà, on sent à la fois le souci d'éviter la guerre civile et en même temps de ne pas faire de peine à Jeanne d'Arc, hein, qui, je vous le rappelle, autant aimait bien se taper une bonne choucroute le jeudi, autant ne louper pour rien au monde son filet de merlan le vendredi saint. Je vous rappelle que l'évêque Cochon, en plus, était c'est son vrai, ami. C'est hein. vrai, c'est plus, en plus. Alors, ceci dit, le menu de substitution, on sent que ça l'emmerde un peu, Marc-Étienne Lansade. Pourquoi, pour lui, est-ce si important de manger du porc? Mais parce que ça coûte beaucoup moins cher d'une part, je vais vous dire. Mais attendez, un menu végétarien, ça coûte encore moins cher. Mais ça n'a aucun équilibre nutritif, c'est des conneries. Ah bon? Bien évidemment. Ce que disent les nutritionnistes, c'est des conneries? Mais excusez-moi, c'est ridicule, ce n'est ni culturellement, il n'y a rien, quelque chose qui nous correspond. Alors, quand un élu Front National se met à parler culture, c'est souvent là que ça devient intéressant. Hein. C'est un peu comme quand Alex Vizorek se met à parler de filles, ou comme quand André Manoukian se met à parler de... tout court, d'ailleurs. Alors, attention, parlons culture française avec un élu Front National. J'ai pas envie de changer ma civilisation parce que de nouveaux arrivants et de nouvelles cultures veulent me faire changer mon pays. Et je pense que ces règles diététiques qui avaient du sens il y a 2000 ans sont ridicules aujourd'hui. Alors, comme manger du poisson le vendredi, du coup? Comme manger le poisson le vendredi. Ah bah alors, du coup, ce que vous avez imposé à la cantine, c'est ridicule. C'est un compromis qui semble ne pas attiser les agressivités, mais je pense que c'est intellectuellement très peu satisfaisant, je vous le concède parfaitement. Et voilà, un élu Front National qui concède que son action publique est intellectuellement très peu satisfaisante. On progresse tout doucement. S'il pouvait en profiter pour démissionner, ce serait sympa. Ce serait même la première fois que je pourrais dire qu'un élu d'extrême droite a eu une excellente idée. Merci Guillaume Meurice. Il est 17h44 sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Poivre d'Arvor, de Juliette Arnault, qui va parler du roman que vous venez de publier, d'André Manoukian, et bien sûr, Alex Vizorek. Je suis là. C'est vrai, parce que vous avez choisi le deuxième sujet. Oui, vous avez choisi le deuxième sujet. Oui. En Allemagne, il existe. Oui, c'est intéressant. Moi. Il existe bientôt. Alors, c'est d'abord un site et peut-être bientôt une appli pour s'envoyer en l'air, moyennant un tarif fixé entre les parties. Enfin, entre les deux personnes, quoi, entendons-nous. On franchit un stade de plus dans l'ubérisation de la société. Il y a ceux qui sont uber choqués et les autres. Et moi, je voulais te demander, comment ça se passe dans une communauté quand on est plusieurs avec la même fille? Ouais, ça dépend, hein. Moi, j'ai connu une commune en Ardèche où il y a des tickets de baise. La gonzesse en distribuait autant à chaque mec. Bah, tu pouvais tout croquer d'un coup si tu voulais. Ah bon? Il y a aussi la solution de la partouze. Bah, tiens, regarde Marie-Jo. Marie-Jo, elle peut prendre son pied comme ça? Non, mais sans blague. Jean-Pierre et Marie-Jo, ils ont longtemps vécu à trois avec un arabe, Abdoul. Ils se sont fâchés. Bon, ça, c'est normal, hein. Forcément, à trois, ça doit poser des problèmes. Hein. Ah non, mais là, c'était pas pour ça, c'était pour une histoire d'appareil photo. C'est une autre époque, comme vous dites. Ça fait du bien d'être rediffusé. Alors, diffusé tout court, on ne sait pas, mais rediffusé, on peut. C'était les Baba Cool. Alors, ce site en Allemagne s'appelle Olala. À Berlin, il propose de mettre les clients en relation avec des femmes pour partager un dîner, aller à une soirée ou sauter directement au lit. Ah ouais, le si sauter plus, directement oui, au lit, je le cite. Quand même passer par la case dîner, voilà, ça moyennant, pas grand intérêt, cette application. Moyennant un tarif fixé entre les deux parties, voilà pourquoi ce site dit, mais ce n'est pas de la prostitution, voilà, c'est juste un rendez-vous payant. Bon, alors là, où est la différence? Donc le site s'appelle Olala, c'est la Uber prostitution, mais ça c'est déloyal envers les prostituées si en face il y a des filles qui proposent des bonbons et de l'eau. C'est absolument vous des parties de Scrabble. C'est déloyal. Ça doit être comme les taxis, je pense qu'elles doivent être mieux habillées, elles doivent ouvrir la porte, elles doivent vous essuyer le pare-brise, enfin voyez, tout un service supplémentaire. Effectivement, comme par exemple, mais là tout est possible, c'est comme un Uber garagiste qui vous ça déjà, et puis il passerait l'aspirateur en plus, voilà, c'est ça. Voilà, c'est par exemple, c'est petites choses. Mais alors qu'est-ce qui se dit? Est-ce que les gens sont contre, pour ou... Moi, je suis pas très pour, mais enfin, je pense qu'on peut se débrouiller sans application. Hein. Amour et application, ça va pas forcément. Est-ce qu'Internet n'est déjà pas rempli de ce genre de choses? Est-ce que ce n'est jamais que, comment dire, formuler clairement quelque chose qui les casine, non? Puis c'est surtout trouver un joli nom. Oh là là, oui. Les Allemands aiment beaucoup. Oui. C'est un des enfin, alors si on arrive à avoir sur son smartphone comme Uber, on clique et on voit c'est autour de soi la prostituée la plus proche qui peut arriver le plus vite. Ah oui. ou, j'ai envie de dire ou est-ce le. Est-ce qu'on franchit un pas être... Oui, ah, le. Ah non, j'ai les questions de femmes là, pour l'instant. Ah. Ils font non, c'est oui. Que évidemment c'est que toujours dans le même sens. Est-ce que c'est comme dans les Uber, on écoute du jazz pendant? Guy Georges avait déjà proposé le principe, mais il n'avait pas tout à fait bien finalisé. Est-ce que la philosophie est une solution pour ça? L'ubérisation de la société, vous en tant que philosophe? Non. Ça, c'est comme on en parle cette semaine, ça fait 2 mois qu'on en parle, dans 6 mois on en parlera plus. C'est la différence quand même avec la phénoménologie des esprits ou le Dasein qui embête les gens pendant des générations entières. Non, franchement, je crois que c'est un petit phénomène de passage là, et c'est juste un. C'est pas un nouveau modèle économique. Non, non. J'ai entendu des émissions entières sur une chaîne, comment ça s'appelait, une chaîne un peu intellectuelle, là, The Radio France, sur l'ubérisation. Mais là, franchement, ils se trompaient, non. Je ne crois pas. Allez, parlons plutôt littérature avec votre roman Olivier Poivre d'Arvor, L'amour à trois, publié chez Grasset. C'est le moment de Juliette Arnaud. Alors, L'amour à trois, bon ben ça tout le monde connaît, hein, c'est un plus un, il y en a un qui n'est pas d'accord. Et sinon, c'est aussi votre roman, publié chez Grasset. Et alors, pour essayer de faire très clair et très appétant, je pense que ce roman, c'est un peu Jules et Jim qui rencontre Apocalypse Now et qui rencontre Mowgli. Oui, tout à fait, Mowgli, l'enfant perdu, je vous le rappelle, élevé par deux mâles, la panthère Bagheera et l'ours Balou. D'ailleurs, à ce propos, Mowgli, l'enfant perdu, deux mâles, Bagheera, Balou, de deux choses l'une, où Walt Disney était un acharné McCarthyiste dénonçant un tour de bras, je vous le rappelle, pendant la chasse aux sorcières, tous les suppôts de Satan communiste dans son bureau, mais il se droguait. Ou Walt Disney était un agent du mariage pour tous de la PMA, infiltré à Hollywood, c'est ce que je pense. Parenthèse fermée. Réfléchissez tous, rendez-moi votre copie demain matin. C'est clair, c'est très clair. Je reprends ma démonstration, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde, y compris Olivier qui est présentement en train de se demander si oui ou merde je l'ai lu ce livre. Oui, je l'ai lu. Jules et Jim, parce que c'est le récit de comment un tout jeune homme tombe raide amoureux de sa prof de philo, la belle Hélène, qui le lui rend bien, en même temps qu'il tombe en amitié pour un de ses condisciples, Frédéric, et l'époque étant une autre, 1974, ils finissent tous trois par vivre ensemble. Évidemment, c'est compliqué. 3 comme chiffre, en amour, 2, c'est compliqué aussi, ou 1, mais là, c'est pas le propos. Une citation qui m'a beaucoup plu dans le livre qui illustre ce genre de complications. Dans ce triangle, je finis par ne plus savoir qui était l'imitateur, qui était limité, quel était cet autre-là parmi nous trois dont le désir était désirable. Et puis un peu plus loin, dans la coccinelle, conduite un peu rapidement par Frédéric, à côté de qui Hélène était assise, j'avais la mauvaise place, à l'arrière, tout seul. Comme Jules dans Jules et Jim, je vous le dis pas parce que c'est gâché une partie du suspense. Apocalypse Now, ensuite, parce que le narrateur, l'ex tout jeune homme, avide de philo et d'amour et de sexe, a bien vieilli depuis 1974. Plus d'Hélène, plus de Frédéric et suite à un AVC, une mémoire sérieusement amochée et un corps fatigué. En Guyane, il va donc remonter un fleuve lointain, sauvage, pour essayer de retrouver 40 ans plus tard, 40 ans trop tard, et Frédéric et sa mémoire chaotique. Et enfin, Mowgli. Là, ne vous inquiétez pas Olivier, je vais rester elliptique parce que sinon je vous ruine définitivement le suspense. Parce qu'il y en a un de suspense. Ouais. On veut vraiment comprendre, et comprendre absolument, comment cette belle et violente histoire d'amour a pris fin en 1976. On a à cœur de voir cette mémoire se restaurer, que soient rendus au narrateur ses souvenirs, parce que sans doute, ça pourrait éclairer les nôtres. De souvenirs. Bah oui, passé 30 ans, on a tous dans le secret de nos cœurs la mémoire d'un premier amour déchirant, dont on aimerait tant qu'il nous reste autre chose, comme le chantait John Baez, que des diamants et de la rouille. Merci. D'ailleurs, Monsieur Poivre d'Arvor, d'évoquer quelques-unes de ses plus belles chansons dans votre roman, notamment Diamonds and Rust. Et je vous propose de finir avec les derniers vers de la chanson, dont je vous lis avant la traduction qui est proposée dans le livre, parce que c'est vraiment très beau. Écoutez bien mes paroles avant d'écouter la chanson, pour ceux qui ne parlent pas anglais, comme moi. Alors comme ça, tu prétends ne pas être nostalgique. Dans ce cas, donne-moi un mot pour dire ce que je ressens, toi qui étais si doué avec les mots et avec l'incertitude. Car à présent, j'ai besoin de cette incertitude. Tout devient bien trop clair à mon goût. Oui, je t'ai aimé de tout mon cœur. Et si tu veux m'offrir des diamants et de la rouille, sache que je les ai déjà payés. Now you're telling me you're not nostalgic. Then give me another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. C'est Olivier Poivre d'Arvor. Mais c'est non d'abord c'est une formidable lecture du livre, mais je suis très ému parce que cette chanson, je l'adore. Et en fait, vous pouvez pas savoir, c'est elle qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Et je l'ai écouté peut-être, je sais pas, 500 fois pendant que j'écrivais ce bouquin. Je l'ai connue, Joan Baez. Elle est venue pour un concert en 74 à Rouen, justement, là, dans cette situation où je vivais avec cette prof de philo, avec ce copain, ça. Puis je l'ai rencontrée, elle était très belle, hein, toujours très belle, d'ailleurs. Et cette chanson est en moi de manière invraisemblable. Donc, pendant que j'écrivais, là, au mois de mars, j'ai un peu de temps, il y avait un peu moins de travail à Radio France. j'écoutais ça tout le temps en boucle et la réécouter, ça me touche beaucoup. Voilà. Et ben, moi, j'ai fait la même chose que vous. Grâce à vous, j'ai réécouté Joan Baez. Soyez remerciés. Ouais. C'est magnifique. Le livre qui donne envie de réécouter ce titre, c'est la bande originale de votre livre, absolument, Olivier absolument. Poivre d'Arvor, L'amour à trois, roman paru chez Grasset. Revenons à l'actualité. Après Joan Baez, ça va être c'est difficile parce qu'on est là, on plane, et puis on va revenir à la là, on plane. C'est vrai que c'est un très joli titre, on plane. Écoutez, voilà, troisième sujet. La maman qui laisse la garde des enfants au papa n'apparaît plus comme indigne. Le nombre de pères qui élèvent les enfants en solo a considérablement augmenté. Eh ben, elle est belle, la parité. Papa, papa, papa. Après John Baez, c'est on s'est dit qu'après John Baez, Claude Barzotti. Voilà. Petite pépite trouvée par Claire-Sophie Collet. Écoutez-la, il y a aussi Nathalie Romero. Si vous avez le temps, écoutez-la entièrement, c'est beau. Ça donne envie de chialer. Et oui, tout ça lancé avec la complicité de notre réalisateur Benjamin Riquet. Tout cela a provoqué le malaise de Djoubaka, notre programmateur musical. Voilà, on a pensé à ce sujet parce que vous avez publié Le jour où j'ai rencontré ma fille. Vous avez adopté en solo Olivier Poivre d'Arvor. Vous en avez parlé dans ce roman paru en 2013. C'est un article aujourd'hui dans Le Figaro où un pédopsychiatre explique la recherche d'égalité croissante entre les hommes et les femmes a contribué à l'augmentation du nombre de pères en solo. Parce qu'une femme qui accepte que la garde soit confiée à son ex n'est plus considérée comme une mère indigne. Oui, en effet, il y a pas mal de juges maintenant qui donnent la garde dans des cas un peu durs comme ça à l'homme et des femmes qui partent, qui s'occupent pas des enfants. Ça a toujours existé. Hein. Mon père, il a jamais connu sa mère, s'est jamais occupé de lui. Néanmoins, il y a d'autres systèmes à l'époque, etc. Et puis il y a aussi, on en parle beaucoup. Il y a 240 000 hommes hein, dans cette situation-là. Le chiffre a plus que doublé en 20 ans. Et puis il y a ceux dans mon genre qui adoptent tout seul, hétéro ou homo d'ailleurs, hein, et qui élèvent seul. Et c'est bizarre hein, en fait d'élever seul, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Mais tout seul, c'est pas drôle dans le fond, parce qu'on a envie de parler. C'est compliqué l'éducation. Donc oui, moi, je fais on ça a envie tous les jours. De parler. Et justement, Le Figaro précise qu'il y a aussi le mot est comme ça, il y a un marché qui s'ouvre. Moi, je me pose cette question. On voit se multiplier des coachs qui sont donc pas des psys, mais qui s'engouffrent dans cette brèche, une brèche qui est parfois une blessure. Est-ce que vous voyez ça comme un marché ou vraiment comme une aide ? Non, il y a un autre marché. C'est quand vous élevez seul votre fille, c'est qu'il y a plein de gens qui se proposent de vous accompagner à la vie, en fait. Parce que c'est un très, très bon moyen de faire des rencontres, en fait. Les gens veulent toujours. Ça permet de pécho, vous voulez dire? Oui, c'est plein de femmes. Mais autant qu'un chien. Oui. J'ai besoin de savoir parce que je dois prendre une décision. Oui, mais franchement, essayez. Ça je vous prêterai ma fille, sens, vous verrez. Je pense. Non, ça marche. Faisons ça. Faisons de la sorte. Et alors, plein de gens qui se proposent pour vous aider à élever votre enfant de manière un peu durable. C'est pas Uber, hein. C'est voilà. Ouais, c'est oui. Juste la mais ça part d'une bonne intention. C'est pas tarifé. Toujours. Non, ça fait peur aux gens de voir surtout un homme, hein. Un homme avec une enfant. Je pense qu'une femme seule, on dit pas homme célibataire. Une femme célibataire, on a entendu ça tout le temps, etc. C'est une expression épouvantable. Dis un homme heureux, je pense. Ou un homme heureux, ça. Non, mais on dit Jean Valjean aussi. Enfin, Jean Valjean, personne ne s'affole parce qu'il prend Cosette. C'est vrai. Elle est c'est pas vrai. Bien vieille, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, à l'époque, j'avais gueulé, hein. Mais bon. Ouais, on t'a pas tellement entendu, Guillaume. Ah, j'étais le seul. Je me suis dit, ma petite qui a 13 ans est très mignonne et je l'adore. Et puis, je suis très tranquille parce qu'on a pas trop à négocier. On profite, on l'embrasse si elle nous écoute. Aussi. Alors à cette heure-ci, Olivier Poivre d'Arvor, c'est un moment particulier. C'est l'heure du sketch qu'on propose à l'invité. Donc voilà, comme vous êtes passionné de radio, je me suis dit que peut-être vous alliez sonner à d'autres portes à partir de demain pour chercher un nouvel employeur. On y va, on vous suit dans cette quête. Salut mec, t'as sonné à la bonne porte, t'es sur Fun Radio mec. C'est pour une dédicace, c'est ça? Oui, bonjour. Alors, non, je suis Olivier Poivre d'Arvor et je voudrais parler au directeur de la station. Ok mec, cool, d'accord, t'as quel âge? J'ai 57 ans. Oh, c'est trop mortel mec, tu pourrais être mon rep. Mais je voudrais parler au directeur. Ouais, c'est moi, tu veux présenter une émission? C'est quoi ta spécialité? La culture. Ok, dégage. Bonjour, bonjour Europe 1, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Olivier Poiradavoir, j'étais directeur de France Culture et comme je sais que vous avez engagé Alexis Teller, j'ai pensé... Ah, pardon, je vous arrête tout de suite, mais si vous êtes sur Europe 1 et pour la culture, on a déjà quelqu'un. Hein. Ah bon, je ne connais pas du tout. Non, mais c'est ADI chez nous. Ah non, vous m'avez dit à la culture. Ah oui, pardon, c'est vrai, non mais là on a Hanouna, nous. Le philosophe. Ah bon, on peut voir ça comme ça, ouais. Sinon on a transféré Raphaël Antoven cet été. Ah non, merci, j'ai déjà eu à la culture, merci, je tente ailleurs. Radio Classique, bonjour. Bonjour, je cherche un travail. Je suis Olivier Poivre d'Arvor. Ah, ça va pas être possible, malheureusement. Ah bah pourquoi? On a déjà Patrick Poivre d'Arvor. Ah bah justement, on a déjà beaucoup travaillé ensemble. Ah oui, mais non, les Poivres d'Arvor, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs, ça pose des problèmes. Merci Olivier Poivre d'Arvor d'avoir joué le jeu. Non, je pense que j'ai pas écouté France Inter pendant 5 ans parce que j'écoutais ma chaîne. Oui, c'est normal. Bah oui. On va gagner un auditeur. Bah, si, alors quand on dirige une chaîne, on écoute quand même un peu ailleurs ce qui se passe. Ouais, j'imagine, on prend les secrets industriels. Ouais, mais on n'en trouve pas des comme vous. Non. Puis l'humour à France Culture, c'est pas forcément la recette. Voilà. On vous la laisse, mais bravo. Est-ce qu'il existe l'équivalent de France Culture en télévision? Est-ce que Arte, c'est un peu... Arte, un petit peu, oui, quand même. C'est précieux, c'est un symbole du service public, France Culture. Non, mais c'est important. Et puis, moi, je me réjouis que Radio France puisse faire vivre une chaîne comme ça. C'est unique au monde, hein. Ça n'existe pas ailleurs. Ouais, comme vous, d'ailleurs, précieux. Un groupe comme ça. C'est pour ça qu'on y tient tous. Et qu'on est heureux d'y travailler. Enfin. Et jusqu'au 31 août, officiellement. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Poivre d'Arvor, d'être venu. Voilà, vous passerez rendre votre badge. Donc, non, mais c'est chic de votre part, quand même, d'être venu, voilà, malgré les événements, etc. L'amour à trois, c'est le roman que vous publiez chez Grasset. Vous pouvez réécouter John Bayes. Vous avez donné envie de réécouter. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain avec le réalisateur belge Jaco Van Dormael. Et on va laisser le mot de la fin pour le pot de départ, non pas de vous, mais de François Rebsamen. Ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.